petit clitoris à sa mémère. C'est qu'il a déjà grandi, ce petit clitoris-là. C'est normal, hein, à force de le caresser.